Yeah, yeah. Et l'Amstand de la marine, est-ce que tu connais? Eh, ghetto phénomène. 1-3-5 clics, c'est Jean Lapointe. Putain de routine fausse, quartier lessive, les tops. Si t'as une chance, il faut que tu fasses. Pour t'en sortir, faut de la force. Si chien d'état t'enferme, ta vie gratos. Anti-BDR sont là pour matos. Le passé dans le rétro, c'était bien l'époque du métro. Et gros, on pète les dents des pros. Oui, le ghetto, il a les crocs. Pour te braquer, il a le crâne. Le dollar dans le crâne, cramé. Les gamins font les grands. Sortent le crâne pour Instagram. Moi j'en ai marre d'avoir un mal. Le manque de maille, mes cœurs mal. Tu bats les hommes, tu les gamins. Dans ce monde de loup, faut de la maille. Creuser les gars, mets le gaz. Égal, les chenets, t'égare. Et l'âme, c'est dealer. Yeah mon gars, jusqu'ici j'ai toujours raconté ce que j'ai vécu. 18 piges, sorte de tol, ça c'est peut-être pas un vécu. Dans la rue j'ai survécu, assume mes frères en tol pour leur PQ. Sorti d'un monde plein d'abus, où les crapules ont la tête sous la capuche. Si tu me vois avec les gars, mon gars, ça sent le grabuge. Mon gars, dehors je craque, y'a pas d'argent à leurs collègues, c'est qu'à le braque. Malgré que les chemins nous traquent, on part en trac. Avec les potes on fait les masques, accepte plus que les plus grands nous mettent des claques. Et l'AMS, ghetto phénomène, notre sang il te met des claques. Faut que je décompresse, que je sorte un peu de la thèse. Y'a pas de remède contre les faux frères et les tasses. J'espère qu'ils se reconnaissent. Viens nous tester, on traîne en bande. Faut qu'on se taille, quitte à se faire une banque. Viens nous tester, on traîne en bande. Faut qu'on se taille, quitte à se faire une banque. Y'a des coups de crasse, des coups de crosse avec la sonde d'explose. Fais pas le capot, tchakap, dès que t'as mis ce mec nous texte. Toi, pas de sauce, quand ça parle, sexe des folles. Elle se croyait au stade, c'est hard, elle vit dans l'excès. De toute façon l'œuf les te chauffe pas, fais pas le chéri, fais te prends pas pour Walker. On verra ce qui se passera, rapta sous Johnny Walker. Plutôt dans le rap, pas de rocker. Ça fait des plans seuls, demande à cœur qu'il faut des sous, donc nique la peur. Et ouais dans le check, pas d'enfant de cœur. Chez nous c'est boulette sur survette, j'allève juste un jusqu'au net. Mec ça capa, je braque, pose des anneaux sur net pour faire le bec bec. C'est bête, bête, le coup je sais, il me faut une bête bête. Quand je rappe, moi je donne tout là, ils sont là, c'est trouillard. Dis oula, c'est trop lourd, oula, plus c'est trop là, c'est trop ça. Et l'âme se crispe dans ta petite tête. Mets-toi bien, mon ami, pète ta tête sur la puitette. Chez nous, c'est pas trop plus belle la vie, ça tape une comme ma bouquette. Joue pas trop dans le vice, au final, fils, t'auras plus tête. Ici, c'est test au pack de H dans les parages. Ghetto freestyle, toujours avec la rage. On fait des morceaux, pas des démons. Des fois des anges, mais le plus souvent des démons. J'rappe pas pour les chats, j'ai de l'inspire comme on m'échappe. J'suis fané de ma life, y'a les schmicks, les fois j'm'échappe. Quand j'fais des erreurs, ouais, j'essaie de la rattraper. Sans faire les suceurs, elle fait la marque, elle rentre à pied. J't'ai frappé, poteau, c'est pas trop ce que j'ai voulu. Tu tournes la page que j'ai voulu, j'roule dans le quartier, j'monte le volume. J'roule pas en BM, j'ai toujours ma perte TM. Fidèle au poste, pendant que j'voyais mon frère à l'EPM. J'oublierai jamais les partages, les gars. Envoie le putain, regarde, tiens, m'attends, j'mets les gaz. Chez moi c'est la rue, tu l'as bien vu, je raconte ce que je vois. Ça t'a baisé plus d'une fois, mets des patates dans le bois. Faut que je décompresse, que je sorte un peu de la thèse. Y'a pas de remède contre les faux frères et les tasses. Je crois qu'ils se reconnaissent.